Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode de Marvelicious que j'ai mis longtemps à préparer, où je suis solo. Donc comme vous savez, quand je suis solo, je mets un peu plus de temps pour les faire, puisque je consacre à peu près 2 semaines dans l'écriture et dans la relecture d'un comics. Alors sur la demande de certains auditeurs, j'allais dire viewers, auditeurs, notamment Amy, qui a voulu avoir un peu de Spider-Man dans le Marvelicious. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup de Spider-Man, il y a quand même quelques épisodes consacrés, mais en tout cas j'ai décidé de vous parler d'un comics, d'un Spider-Man bien particulier, qui est le Spider-Man noir. Donc qui est le Spider-Man noir? Le Spider-Man noir, c'est une version alternative de notre Spider-Man rouge et bleu, qui évolue sur la Terre 90214. Le Spider-Man noir est un Spider-Man récent qui est sorti. Alors, je crois que sa première apparition, c'est en février 2009. Et d'ailleurs, c'était un Français qui était à l'écriture de ce Spider-Man noir. Contrairement à son homologue classique, Spider-Man noir, lui, se déroule dans les années 30. Donc, ses aventures se déroulent avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Grande Dépression. Le Spider-Man noir, vous l'avez déjà vu, notamment si vous êtes un grand fan des versions animées de Spider-Man avec Miles Morales, fait par et créé par Sony. Eh bien, vous avez pu le voir plusieurs fois. Tout d'abord dans Spider-Man New Generation. Alors en France, ça s'appelle Spider-Man New Generation, mais le vrai titre, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc c'est un film d'animation, on a déjà fait un épisode dessus, qui est connu pour son style visuel assez révolutionnaire et une approche plutôt novatrice du personnage de Spider-Man. Et c'est le premier film d'animation réellement qui va introduire plusieurs versions alternatives de Spider-Man, et y compris le Spider-Man noir. Dans ce film, le Spider-Man noir est doublé par l'acteur Nicolas Cage. D'ailleurs, il le double super bien. Et d'ailleurs, je trouve que ça ajoute une touche d'élégance et de mystère au personnage. Le film explore le concept du multivers, où différentes versions de Spider-Man de divers univers parallèles se rencontrent pour combattre une menace commune. Donc je vous invite à voir. Je crois qu'il est sur Netflix et Disney+. En tout cas, c'est un film super, d'animation super, qui n'est pas fait forcément pour les enfants. Dans ce film, Spider-Man noir se distingue par son esthétique monochromatique inspirée des films noirs des années 30. Ce choix stylistique renforce l'aspect rétro et sombre du personnage, contrastant fortement avec les autres versions colorées de Spider-Man. Dans ce film également, Spider-Man est présenté comme un détective dur à cuire avec une forte morale, souvent prêt à recourir à des méthodes plus brutales que les autres Spider-Man pour atteindre ses objectifs. Son interaction avec les autres Spider-Man apporte une profondeur supplémentaire à l'intrigue de ce film. Alors je vous cache pas que quand je l'ai vu la première fois, ce film d'animation, non seulement j'ai trouvé qu'il était excellent, mais en plus que le Spider-Man noir apporte une touche vraiment novatrice par rapport au Spider-Man classique que nous connaissons. Après ce premier film, personnellement je suis resté sur ma faim et je voulais vraiment revoir une deuxième fois le Spider-Man noir. Donc bien sûr, j'ai acheté des comics qui parlent du Spider-Man noir. Et 4 ans après, en 2023, ouais, je crois que c'est 2023, donc 5 ans après, la suite, donc Spider-Man Beyond the Spider-Verse, continue d'explorer le multivers sous l'angle uniquement des Spider-Man. Mais le problème, c'est que j'étais un peu déçu, puisque Spider-Man noir, il joue un rôle moins central et son personnage n'est pas développé davantage. Ça offre aux spectateurs fans de ce Spider-Man quand même un goût d'inachevé. Honnêtement, j'attends le 3. D'après ce que j'ai compris, il sortirait en 2026-2027, ils ne savent pas encore. En tout cas, j'attends le 3e avec impatience et j'espère de tout cœur que justement ils vont rattraper ce manque de développement dans le 2e film. Mais, pour les plus grands fans encore, bonne nouvelle, on a appris que Amazon Prime a décidé de développer une série en live action autour du personnage du Spider-Man noir, une série qui serait exclusive sur Amazon Prime, qui permettra ainsi de développer davantage le personnage et son univers, attirant ainsi une nouvelle audience et consolidant sa place dans l'univers Marvel. Le Spider-Man noir, attention les yeux, sera joué par Nicolas Cage, Donc on aura, je pense, un Spider-Man noir plus vieux. Et notamment, je m'interroge si ce ne sera pas le même que celui des films de Sony, avec le multivers que nous connaissons, puisque Nicolas Cage double le personnage dans les films d'animation de Sony. Bon, je préfère vous dire clairement, si Sony s'est raté complètement ses films, leurs dessins animés sont clairement des chefs-d'œuvre. Le Spider-Man noir, de mon point de vue, va vite devenir populaire. Et ce, en raison de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'univers unique. L'univers sombre et corrompu de Spider-Man noir offre un contraste frappant avec les versions plus colorées et optimistes de Spider-Man. Le deuxième facteur, c'est l'histoire qui est captivante. Les thèmes de la corruption, de l'injustice et de la résistance face à l'oppression résonnent avec chaque spectateur, ce qui ajoute une profondeur émotionnelle au personnage. Alors, je préfère vous dire tout de suite, il faut surtout pas vous attendre à quelque chose où il a des potes de son âge, MJ, etc. On n'a pas affaire à un adolescent ou un jeune adulte, et en plus, son univers est extrêmement sombre. Et enfin, troisième facteur de popularité pour moi, c'est son design visuel. On a quand même un style noir et blanc et qui fait penser aux films de référence, notamment aux films noirs des années 1930, qui créent une esthétique distincte et mémorable par rapport à nos Spider-Man classiques. Pour les gens qui ont bien aimé, par exemple, le vieux film, enfin je dis vieux film, je ne sais plus de quelle année il est, mais j'avais bien aimé quand j'étais voir au cinéma, c'était le film Sin City avec Mickey Rourke. Bah, si vous avez bien aimé l'ambiance de ce film, eh bien, vous serez servi par le Spider-Man noir. Bref, pour dire, c'est que dans les comics, Spider-Man noir est devenu un symbole d'espoir pour les opprimés, montrant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Spider-Man noir apporte aussi une diversité de tons et de styles au film de la franchise Spider-Verse, en offrant une perspective unique et en enrichissant l'univers de Spider-Man avec sa propre histoire et ses luttes. Et je peux vous dire qu'on est bien loin du Spider-Man de Tom Holland, de Tobey Maguire ou de Andrew Garfield. Je vous dis clairement, il ne peut que susciter votre intérêt. Et je dirais même l'intérêt des nouvelles générations et des anciennes générations, contribuant ainsi à sa popularité croissante. J'espère que de tout cœur que la série qui sortira sur Amazon Prime permettra de rendre plus populaire ce personnage, mais aussi de permettre à tous de l'apprécier. Laissez-moi vous présenter le comics Spider-Man noir, Les Illusions Perdues. Alors vous pouvez le trouver à 16 euros. Moi je l'ai vu à 16 euros en version papier. Il est à 13 euros au format numérique. Allez, let's go, à nous le Spider-Man noir. Alors, comme d'habitude, n'attendez pas de moi que je vous fasse une revue en détail, super détail même, je dirais, de ce comics, car l'intérêt, c'est que vous l'achetiez pour le lire. Et l'autre intérêt aussi, c'est pour que je puisse vous présenter un comics qui sort de l'ordinaire. L'histoire se déroule pendant la Grande Dépression, dans un New York sombre et corrompu des années 1930. Ce cadre noirci reflète la dureté des temps et les luttes des individus contre l'injustice et la criminalité omniprésente. La ville est décrite comme corrompue et gangrénée par le crime. C'est un New York qui s'apparente au Gotham City de Bruce Wayne dans l'univers DC Comics. L'histoire commence par la découverte du cadavre de l'oncle Ben Parker, un activiste social assassiné pour ses convictions. Donc là, vous avez vite compris qu'on n'est pas du tout dans le thème ou dans l'histoire de notre Spider-Man classique. Peter Parker n'est pas un adolescent. C'est un jeune homme qui travaille pour Ben Ulrich, un journaliste du Daily Bugle. Ce Peter est très différent de celui que nous connaissons parce que lui est marqué par les dures réalités de la vie, notamment dans une vie où son environnement n'est que corruption et crime. Lors d'une enquête en solitaire, et ce à l'encontre du bouffon, donc le bouffon qui est bien connu comme étant Norman Osborn, Peter se retrouve dans un entrepôt abandonné. Dans cet entrepôt se trouvent des reliques et artefacts. Les hommes du bouffon ont pour vocation, sur place, de voler l'ensemble de ces objets. Alors qu'il espionne les sbires de Norman Osborn, Peter est mordu par une araignée noire cachée dans un artefact ancien. Une déesse araignée lui apparaît et lui offre ses pouvoirs. Il se réveille soudainement et sort d'une sorte de cocon noir. Et cette morsure lui confère les pouvoirs surnaturels que nous connaissons. Peter commence à découvrir ses nouvelles capacités. Une agilité surhumaine, une force accrue, la possibilité de lancer des toiles, mais aussi un sens aigu du danger. N'oubliez pas que le Spider-Man a toujours son sens de l'araignée. Il est temps pour Peter de confectionner son costume. Inspiré par les détectives et les justiciers des années 1930, Peter crée un costume noir pour masquer son identité et semer la peur parmi les criminels. Le costume de Spider-Man noir est donc entièrement noir. Il reste dans le style des années 30. Le costume semble être fait d'un cuir épais, lui offrant une protection supplémentaire contre les balles et les coups, et le cuir donne également un aspect vintage et robuste, typique des années 30. Le masque couvre entièrement le visage de Peter, ne laissant apparaître que ses yeux, ce qui ajoute un niveau de mystère. Cela permet également de masquer son identité de manière efficace. Le masque est équipé de lunettes rondes, au vert teinté, qui rappellent les lunettes de pilote. Ces lunettes protègent ses yeux, tout en renforçant l'image de justicier mystérieux. Le voici en costume, et ses pouvoirs acquis, il décide d'aller directement à la rencontre de Norman Osborn dans son bureau. Peter, vêtu de son costume noir, pénètre dans le bureau de Norman Osborn. L'atmosphère est lourde de tension, l'odeur du cuir et du tabac flotte dans l'air. Peter utilise ses toiles pour désarmer les sbires d'Osborn. Les coups et les acrobaties pleuvent de toutes parts. Peter, face à Osborn, sent la rage monter en lui. Il s'avance et lui demande d'arrêter instamment ses activités criminelles. Et du coin de l'œil, il voit le visage de son mentor et ami fuir Ben Ulrich. Il vit la situation comme une trahison de ce dernier. Peter le rattrape dans la rue. Ben Ulrich reconnaît la voix de Peter Parker. Après ce tête-à-tête, Norman Osborn sollicite Ben Ulrich pour dénoncer l'identité de Spider-Man. Ben Ulrich refuse et se promet de révéler les activités criminelles de Norman au grand public. Il sera retrouvé mort dans son appartement, tué par Jonas Jameson, le directeur du Daily Bugle, qui lui est au service de Norman Osborn. Ben Ulrich avait constitué nombre de dossiers sur les activités criminelles de Norman Osborn. Ces dossiers restent introuvables. Norman Osborn fulmine. Le cadavre de Ben Ulrich est découvert par Peter, et ce dernier se promet de le venger. Mais avant, il doit retrouver les dossiers de Ben Ulrich pour mettre fin aux activités criminelles de Norman Osborn. dans l'intrigue de ce comics, vous verrez que Bette Peter Parker retrouve ses dossiers d'une façon très particulière. À l'enterrement de Ben Urich, Jonas Jameson est présent et va à la rencontre de Peter Parker. Il lui indique que Ben travaillait pour lui et qu'il devait obtenir des confidences de sa part. Confidences qu'il n'aurait jamais reçues. Peter Parker ressent le danger et se met à se méfier de Jonas Jameson. Il s'ensuit une volonté de Peter Parker de mettre fin par la force aux activités criminelles de Norman Osborn. Il multiplie les interventions dans la rue et les quartiers contre les sbires. Du bouffon. Peter Parker, animé par un désir ardent en justice, déploie une série d'interventions musclées pour démanteler l'empire criminel de Norman Osborn. Il traque sans relâche les sbires d'Osborn dans les ruelles sombres et les quartiers malfamés de la ville. Chaque confrontation est intense et impitoyable, marquée par des combats acharnés et des démonstrations de force spectaculaires. Peter utilise ses incroyables capacités de Spider-Man pour neutraliser les ennemis, infiltrer les cachettes secrètes et saboter les opérations clandestines d'Osborn. Sa détermination inébranlable et sa rage vengeresse le poussent à franchir des limites qu'il n'aurait jamais imaginées, plongeant profondément dans la violence pour éradiquer la corruption qui gangrène la ville. Jusqu'au moment où Peter découvre que Jonas Jameson est à la solde de Norman Osborn. Il décide de lui rendre visite et le retrouve à moitié mort et apprend que Norman Osborn s'est occupé de lui. La police intervient à ce moment, un piège lui a été tendu, on voit Spider-Man au-dessus du cadavre de Jonas Jameson, au moment où les forces de l'ordre interviennent. Peter a réussi à fuir les forces de l'ordre et décide donc de se mettre à lire les dossiers de son mentor, Ben Urich. Il découvre que Norman Osborn est entouré de personnalités criminelles bien connues, le Vautour par exemple, et le Maître du Déguisement. Le Maître du Déguisement est connu sous le nom du Chaméléon. C'est l'un des ennemis les plus redoutables de Spider-Man. Il est capable de changer d'apparence à volonté. Il use de ses talents pour infiltrer les organisations, manipuler ses cibles et semer le chaos. Maître de l'illusion et de la tromperie, il est souvent employé par des figures du crime comme Norman Osborn pour exécuter des missions d'espionnage ou de sabotage. Sa capacité à se fondre dans n'importe quel environnement et à prendre l'apparence de n'importe qui en fait un adversaire particulièrement redoutable et insaisissable pour Spider-Man. C'est alors que l'on découvre que le Chaméléon avait pris la place du vrai Jonas Jameson. Dans les dossiers, il découvre aussi que Jonas Jameson est retenu prisonnier dans un entrepôt abandonné. Peter est déterminé à sauver Jonas Jameson et à mettre fin aux activités criminelles de Norman Osborn. Il se rend donc à l'entrepôt abandonné. À son arrivée, il est accueilli par une horde de sbires de Norman Osborn, armés jusqu'aux dents et prêts à en découdre. Les combats éclatent avec une violence inouïe. Spider-Man utilise toute la palette de ses pouvoirs. Ses toiles d'araignée fusent dans toutes les directions, désarmant les ennemis et les immobilisant contre les murs. Ses réflexes surhumains lui permettent d'esquiver les balles et d'engager des combats rapprochés avec une précision dévastatrice. Chaque coup qu'il porte est empreint de la rage et de la détermination qu'il habite. Ses adversaires tombent un à un sous sa puissance écrasante. Norman Osborn décide de s'enfuir. Une course-poursuite effrénée s'engage alors entre Peter et Osborn, chacun usant de ses compétences pour tenter de prendre le dessus. Spider-Man, avec son agilité légendaire, parvient à le rattraper. Ils se battent férocement, échangeant coups et attaques dans une danse mortelle. C'est au cours de cette confrontation titanesque que les masques tombent. Osborn, dans une révélation choquante, réalise que Spider-Man est Peter Parker, le protégé de Ben Urich. La surprise et la rage les envahissent tous deux, intensifiant leur lutte. Malgré la fureur et la détermination d'Osborn, c'est Peter qui prend finalement l'avantage. Osborn est vaincu, laissant ainsi Peter victorieux. Mais on sent que cette victoire de Peter n'est qu'une étape parmi tout le travail qu'il va devoir accomplir pour mettre fin aux activités criminelles qui gangrènent la ville qu'il a vu naître. Alors, je vous laisse le soin de lire la véritable fin de cette histoire. Il y a beaucoup de passages que je n'ai pas cités volontairement pour vous permettre de découvrir l'univers de Spider-Man noir. C'est un Spider-Man bien particulier, plongé dans un monde sombre et impitoyable. Il y a eu aussi d'autres comics mettant en scène ce héros unique. Parmi eux, on peut citer Spider-Man noir, Les yeux sans visage, et Spider-Man noir, Crépuscule sur Babylone. D'ailleurs, dans ce dernier comics que j'ai pu lire, on voit Peter Parker découvrir le monde, on ne le retrouve plus dans l'univers urbain que nous connaissons. Comme vous savez, c'est un comics qui aborde beaucoup de thèmes et j'adore vous parler des thèmes des comics. Tout d'abord, le premier thème que j'ai retenu, c'est celui de la corruption et de la justice. L'histoire met en lumière la lutte incessante contre la corruption et le prix élevé de la justice dans une société gangrénée. Le deuxième thème, c'est l'héroïsme et le sacrifice. Le parcours de Peter illustre le vrai coût de l'héroïsme, où chaque victoire a son lot de sacrifices personnels. Le troisième thème, c'est la moralité nuancée de Spider-Man, puisque contrairement à son homologue traditionnel, le Spider-Man noir opère dans une zone grise morale, utilisant parfois des méthodes extrêmes pour atteindre ses fins. Il n'hésite pas à être très violent quand il le souhaite et quand il le faut, et ce sans retenue particulière. En conclusion, Spider-Man noir, Les illusions perdues propose une relecture sombre et captivante du mythe de Spider-Man, transposant le héros dans un contexte historique, réaliste et brutal. C'est une histoire de résistance, de courage et de quête de justice dans un monde où l'ombre domine la lumière. Je tiens encore à vous remercier tous chaleureusement pour votre fidélité et votre passion. J'espère que cet épisode sur Spider-Man noir vous a captivé autant que j'ai pris plaisir à vous le préparer. Pour l'un des prochains épisodes, je vous propose de plonger dans une autre facette fascinante de l'univers de Spider-Man. En explorant notamment ses liens complexes avec Dr. Doom, nous parlerons notamment du comics Les 8 morts de Spider-Man, une aventure palpitante où notre héros fait face à des défis inédits et mortels, le tout sous les ordres du Dr. Doom, qui est devenu le sorcier suprême sur notre planète Terre. Ce comics sera parfait pour faire le lien avec le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU. Alors les amis, merci encore pour votre fidélité, merci encore pour votre écoute, et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode du podcast où je vous parlerai encore de notre ami l'araignée. Bye bye.